Messieurs, Doña Inés de Castro n'est plus. Elle m'a appris la naissance prochaine d'un bâtard du prince. Je l'ai fait exécuter pour préserver la pureté de la succession au trône et pour supprimer le trouble et le scandale qu'elle causait dans mon état. C'est là ma dernière et grande justice. Au-delà de cette femme infortunée, j'ai mon royaume, j'ai mon peuple, j'ai mes armes, j'ai la charge que Dieu m'a confiée, et j'ai le contrat que j'ai fait avec mes peuples quand j'ai accepté d'être roi. Un roi est comme un grand arbre qui doit faire de l'ombre. Oh! Oh! Le sabre de Dieu a passé au-dessus de moi. Mon roi, vite chercher un médecin. J'ai fini de mentir. Ne mourrez pas au nom du ciel. Pedro, roi, je suis perdu. Maintenant, je ne te demande plus ton secret. Le mien me suffit. Je te laisse en paix. Vous blessez en enfer. Mais non, vous n'allez pas mourir, n'est-ce pas? Dans un instant, je serai mort. Et la patte de mon fils ce sera battu sur toi. Inès n'est peut-être pas morte. Un billet, griffonnez un billet, j'essaierai de les rejoindre sur la route. Elle est morte, Dieu me l'a dit. Et toi, tu es mort aussi. Non, non, ce n'est pas possible. On arrachera ton cœur de ta poitrine et on te le montrera. Non, non, non. Avant d'expirer, tu verras ton propre cœur. Qui vous l'a dit? Dieu me l'a dit. Ne me poussez pas au désespoir. Le désespoir des autres ne peut plus me faire peur. Vivez, mon roi, vivez, je vous en supplie. Je puis céder d'aventure à qui ne me supplie pas. Jamais à qui me supplie. Vivez, il faut que vous viviez. Retire-toi de moi, Aegas. Tu fais ton souffle contre ma figure et il ne m'est pas bon. Alors laissez-moi fuir. Vivez un peu, seulement un peu, le temps que je fuis. Vivants de chair et de sang, mes compagnons, vous qui allez vivre, n'est-il pas un de vous qui veuille que je reste en vie? Il n'y a donc personne qui veuille que je vive! Messieurs, je ne sais comment l'avenir jugera l'exécution de Doña Inés. Peut-être un bien, peut-être un mal. Quoi qu'il en soit, voici celui qui, avant tout autre, me l'a inspiré. Veillez à ce qu'il en réponde devant le roi, mon fils. Oh, mon Dieu, dans ce répit qui me reste, avant que le sabre ne repasse et ne m'écrase, faites qu'il tranche ce nœud épouvantable de contradictions qui sont en moi, de sorte que, un instant au moins, avant de cesser d'être, je sache enfin ce que je suis. Ah, que l'innocence de cet enfant me servent de sauvegarde quand je vais apparaître devant mon juge. N'aie pas peur. Reste auprès de moi, quoi qu'il arrive. Même si je meurs, Dieu te le rendra. Dieu te le rendra, mon petit frère. Bien meilleur et bien pire. Quand je ressusciterai, le sabre, oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Il faut aller chercher un médecin. Vous voyez bien qu'il est mort. Il faut aller chercher l'évêque. Allons délivrer donc Pedro. Oui, Pedro. Le toxin. Le toxin. porte sur une civière Inès morte. En silence, tous s'écartent du cadavre du roi étendu sur le sol, se massent du côté opposé de la scène, autour de la litière, à l'exception de Dino Del Moro, qui, après un geste d'hésitation, est resté un genou en terre auprès du roi. À ce moment, apparaît Don Pedro. Il se jette contre la litière en sanglotant. Le lieutenant Martins entre à son tour, portant un coussin noir sur lequel repose la couronne royale. Pedro prend la couronne et la pose sur le ventre d'Inès. Puis il se tourne vers l'officier des gardes. Celui-ci dégaine. Tous les gardes font de même et présentent l'épée. Alors Pedro force par son regard l'assistance à s'agenouiller. Le prince de la mer ne le fait qu'à regret. Pedro s'agenouille à nouveau. Et la tête sur le corps d'Inès, il sanglote. L'assistance commence à murmurer une prière. À l'extrême droite, le corps du roi Ferrante est resté étendu, sans personne auprès de lui, que le page andalou agenouillé à son côté. Le page se lève avec lenteur. Regarde longuement le cadavre. Passe avec lenteur vers la civière. Hésite. Se retourne pour regarder encore le roi. Puis, se décidant, va s'agenouiller avec les autres, lui aussi, auprès de la civière. Le cadavre du roi reste seul.